bois barbecue. Viens chez WAM, le carouage, je sers mieux qu'à Starbucks. Ambiance TK, c'est un bois galère, 2 pour la galère, 3 pour le salaire. Kékéké, 4 on s'achat pas l'herbe. Ambiance grosse bécane, ça fait des oui, willing. Le daron ne voit pas la fenêtre et s'écrit oui, willing. On veut tous le millé, tous le feeling. Que des Fatima, Fatouma, peu de feeling. Mais quelle affaire de Redbone, la dernière paire de Naila. Range ton umbrella, c'est Sunshine, c'est le Hella. Sortez les CRF, la château CRS. On fait du 813, t'as vu Paris à la 13. Ambiance bécane, on se fait raser le crâne. On écrit nos textes dans des vieilles caves. Allez, canne, vieille carne, allez, carte des gammes. On a la barre contre la barre, touche la barre des gammes. Des bonnes odeurs dans la cuisine. Faut une fucking ambiance à la Weezy.